L'actualité à Nancy et ailleurs. L'habitat intergénération ou logement intergénérationnel a tendance à se développer de plus en plus en France, notamment. Marine Eschbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication et de développement pour l'association Un Toit Deux Générations. On va découvrir un peu comment vous fonctionnez. C'est une association qui existe depuis 2008, C'est ça. Et qui est un peu partout en France ? Oui, exactement. Alors nous, on est principalement sur le territoire du Grand Est, mais vous pouvez retrouver toutes les associations finalement en France qui sont hébergées par Cohabilis, qui est une solution contre l'habitat partagé et du coup pour le développement de la cohabitation intergénérationnelle. Alors ça veut dire quoi, cohabitation intergénérationnelle ? Alors finalement, c'est une solution pour les seniors qui sont âgés de plus de 60 ans, qui ont une chambre à leur disposition et finalement qui souffrent un peu de solitude ou qui souhaiteraient avoir un complément de revenu pour leur retraite. Ils peuvent héberger un jeune, donc de moins de 30 ans, un étudiant, un alternant, un stagiaire, quelqu'un qui finalement vient en France aussi pour un Erasmus, contre une petite contrepartie financière et de l'aide à domicile, comme de l'aide au ménage, de l'aide pour la cuisine. Certains veulent juste une présence le week-end, un petit passage le soir pour boire le thé, pour échanger. Donc c'est très intéressant pour des jeunes aussi, parce que financièrement, c'est une bonne solution. C'est ça, finalement. Il y a des seniors en fait qui proposent une chambre sans contrepartie financière, ils veulent juste une présence et rendre service. Oui. Et d'autres, c'est également en fait finalement un besoin d'un petit échange financier pour finalement payer par exemple le chauffage, toutes les factures qu'on peut avoir à régler. Mais le jeune peut avoir accès facilement au réseau Wi-Fi. Finalement, des fois, il peut avoir la chambre que pour lui. Donc, c'est généralement ce qui se passe. Mmh. Partage de la salle de bain, partage des WC. Des fois, certains seniors mettent à disposition un studio qu'ils ont sur le même palier que leur habitat, contre effectivement un échange financier. Donc ça va de 50 à 250 euros. Ça dépend en fait aussi de la localisation de l'habitat. On peut avoir des offres sur Pulnois, donc là, ce sera des offres un petit peu moins chères. On a des offres sur Nancy, en plein centre. Des fois, les seniors vont mettre un petit prix quand même. Mm-hmm. Mais des fois, la plupart, certains seniors veulent juste une présence, donc il n'y a pas de contrepartie financière. Alors pour parler chiffres, en nombre de personnes que ça peut concerner, ou de logements, sur le bassin nancéen, par exemple, ça concerne combien de personnes ? Alors, actuellement, sur le Grand Est, on a à peu près environ une centaine de cohabitations intergénérationnelles. Oui. Sur Nancy, actuellement, on aura 8 offres qu'on peut voir du coup sur notre site internet. Oui. Donc, du coup, ça dépend. En fait, beaucoup de seniors nous contactent. Donc, on va à leur rencontre, on voit un peu leurs besoins et nous, on diffuse finalement des offres sur notre site internet avec la pièce, combien de mètres carrés, ce que le senior met à disposition du jeune. Il y a des difficultés pour trouver justement des jeunes pour ces logements ? Alors du coup, nous, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, Facebook, oui. LinkedIn, donc on diffuse pas mal les offres, on diffuse également nos actualités et quand il y a une cohabitation intergénérationnelle qui s'installe, on rencontre le jeune et le senior au bout d'un mois ou deux de cohabitation et on réalise des articles, on les rédige pour montrer un peu comment ça se passe parce que les seniors comme les jeunes peuvent être un petit peu inquiets parfois et se demander si ça fonctionne vraiment. Des fois, l'entente peut très bien se passer, comme l'entente ne se passe pas bien, c'est pour ça qu'on organise des rencontres entre le senior et le jeune avant de signer un quelconque contrat pour voir comment ça se passe. Et nous, on propose finalement aux jeunes de repasser voir les seniors, de partager un petit peu de temps avec eux pour qu'ils apprennent à se connaître. Et si tout se passe bien, un contrat est signé finalement pour une durée de 1 an généralement. Voilà, la durée des études, par exemple, pour le jeune. Et l'accompagnement que peut avoir un toit de génération, il va au-delà de cette signature de contrat ? Tout à fait, parce que nous, on a quand même un suivi. Les jeunes, comme les seniors, peuvent nous contacter s'il y a un souci. Si, nous, on est amené aussi à les contacter pour, par exemple, rédiger des articles, pour les rencontrer, pour faire des reportages. Finalement, c'est un suivi sur le long terme. Et généralement, si ça se passe très bien, le jeune, comme le senior, veut parfois réaliser d'autres cohabitations. Donc nous, on les met en relation aussi. Si un jeune qui est de Nancy veut aller sur Paris pour ses études, on peut le mettre en relation avec le Paris Solidaire, qui est l'association qui s'occupe finalement des cohabitations intergénérationnelles sur Paris. Donc un lien avec d'autres associations. C'est ça. Le site internet d'Un Toit de Génération. Donc c'est untoitdegeneration.fr. Dessus, en fait, on diffuse finalement la candidature des seniors en fait, qui remplissent un formulaire comme les jeunes. On leur pose des questions comme est-ce que vous êtes fumeur, non-fumeur ? Quel est votre budget ? Quels sont vos revenus ? Est-ce que vous travaillez ? Quels jours êtes-vous disponible ? Parce que certains seniors parfois vont demander une présence les week-ends. Beaucoup de jeunes, à l'heure actuelle, travaillent les week-ends. Donc c'est aussi une recherche finalement que la candidature du jeune convienne aux seniors et vice-versa. Et du côté des seniors, si des personnes nous écoutent, ne connaissaient pas cette formule, qu'est-ce qu'il faut faire ? tout simplement pour vous Alors, contacter. Il suffit juste de nous contacter donc, au numéro suivant, le 03 87 22 21 96. Donc, vous tomberez directement sur mon responsable, donc Saverio Monferrato, qui organisera un rendez-vous avec vous pour vous rencontrer. Et à ce moment-là, on remplira ensemble le formulaire où on vous pose des questions. Que mettez-vous à disposition du jeune? Qu'attendez-vous de ce service? Donc, une contrepartie financière, une présence rassurante, des moments de convivialité. Donc nous, voilà, à chaque fois, on va rencontrer le senior pour attendre et pour écouter ses besoins, finalement, pour mieux lui donner, en fait, des bonnes candidatures après. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une aide pour aménager une chambre, par exemple, pour le jeune ? Oui, tout à fait. Bah, certains seniors, en fait, vont parfois... nous, on demande généralement à ce que voilà, la chambre soit meublée, donc avec un lit, un bureau, une penderie. Voilà, nous, quand on va rencontrer les seniors, des fois, on peut... leur dire qu'il faut rajouter un petit bureau, rajouter des petites choses comme ça. Certains seniors sont prêts à le faire finalement, puisque si c'est pour obtenir un jeune, une contrepartie financière et bah voilà, une belle relation finalement sur le futur, c'est pas un souci. Et beaucoup de parents sont derrière finalement avec les seniors. Donc je vous laisse redonner le site internet, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi également, exactement. Mais le site internet c'est une porte d'entrée avec les offres. Exactement, donc vous retrouverez toutes les offres sur untoitdegeneration.fr et sous les posts en fait où que nous réalisons pour où vous voyez les différentes cohabitations qui sont disponibles, vous avez directement le formulaire pour postuler et finalement soumettre votre candidature à une cohabitation intergénérationnelle. Marine Eschbach, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.